Rugissement, gissement, réel dans mes agissements. Conscient du rôle qui depuis ma venue s'était les miens. Avant sans me retourner, de peur d'être transformé en statue de sel. Mangeval, bataille sel. Évite écart de manche, main toute seule aux mauvaises intentions liées au diable. Dans le mal excel, j'ai bousy. Mais le mal ouvre grand vos oreilles préparées à mettre en valeur. On femme pas de booty, style, hoodie, véhicule. La nouvelle plus lourde sans façon les bons qui osent à ce qui est un hoodie. À ma Paris, hip hop, freestyle, la vie rappeurs et MCs. Toute la crème de l'underground, tente changer la donne. Trop de merde, gangrène, honte, sonore et aircienne. Le showbiz, sans frotte les mains, gaussienne. Marquer l'époque, créer honte de choc, d'avalanche, déferlante, vague. Tente changer la donne, donner son maximum. Hey yo, ma musique devient allergique, donc brisée. Viens dans mon monde, viens l'Elysée, misée. 1-1-6, represent hip hop. Ici, c'est Zelda de neuf encore. Hip hop. Et à la belle rouge, pour tout la bourbon. Hip hop. Bouge tes fesses, baby, viens dans mon monde. Hip hop. 1-1-6, represent hip hop. Ici, c'est Zelda de neuf encore. Hip hop. Et à la belle rouge, pour tout la bourbon. Hip hop. Bouge tes fesses, baby, viens dans mon monde. Hip hop. Baby girl, j'acclame neuf encore, là de bon. De la roche, bon tout, bring de bon. Quand de microphone sur le sol, c'est yo, c'est yo, wesh. Ma jeune blesse, stress, kiki qui veut test. Isma du délire, ramène la main du don, la cheese. Le jamais en abonnant depuis le double, puis bosser jusqu'au 10. Et comme les quack MC jusqu'à 10. Maintenant sur Facebook, des milliers de pétards sont nos fans. Des Facebook gauche qui du sang pour vos femmes. Yeah, yeah, baby girl, au club c'est du blow. Baby boo, j'ai mon go boss. Non, non, moi je parle. Check flow, flow, non, non, je sais pas rien. Si c'est trop chaud. 1-1-6, represent hip hop. Si, si, ça vient de neuf encore. Hip hop. Et à la belle roche, bouge tout la bourbon. Hip hop. Bouge tes fesses, baby, garde dans mon monde. Hip hop. 1-1-6, represent hip hop. Si, si, ça vient de neuf encore. Hip hop. Et à la belle roche, bouge tout la bourbon. Hip hop. Bouge tes fesses, baby, garde dans mon monde. Hip hop. Ma technique, ma genou paralyse les blocs. Respecte-moi et mes blagues. Au sol on plaque, bomba claque. Tu craques, laisse l'espèce de hip-hop. Négresse est trop balèze. Ancré aux oblis, jamais une cassante dans le sang. Putain de vécu, arc bien tendu. Trou de balle, tout fond mes potes. Trop de secrets, trop de secrets. Sur les traces de qui, bring de bombe naturellement. Formation de war et vol de piste, ça tu sais maintenant. Mon père spirituel, R-O-S-H, l'élément plus fou. Thermonucléaire, full flouze. Bête de scène, bon tout fou. Viens dans mon monde, éradiquer mauvaise voix et mine. 1-1-6, represent hip hop. Si, si, ça vient de neuf encore. Hip hop. Et à la belle rouge, bouge tout la bourbon. Hip hop. Bouge tes fesses, baby, garde dans mon monde. Hip hop. 1-1-6, represent hip hop.